بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On va commencer aujourd'hui le cours numéro 32 dans l'explication de l'usul al-thalatha, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, avec les explications de Cheikh Ubayd al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Et on est arrivé maintenant au troisième degré parmi les trois degrés de l'islam, et c'est Al-Ihsan. Donc on a expliqué déjà au début de cette partie de ce deuxième fondement parmi les trois fondements. Le deuxième fondement, c'est de connaître l'islam avec ses preuves, et on a expliqué que l'islam est divisé en trois degrés: Al-Islam, Wal-Iman, Wal-Ihsan, c'est-à-dire l'islam qui sont les actes, hein, les cinq piliers de l'islam, les actes physiques. Ensuite les six piliers de la foi, qui sont la croyance du cœur, et le troisième degré qui est Al-Ihsan. Al-Ihsan, c'est-à-dire la bienveillance, la bonté, et dans un sens aussi l'excellence dans l'action, c'est-à-dire de faire au-delà de ce qui est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala, et de faire les actes d'adoration avec concentration et avec présence du cœur, tout en étant conscient donc comme on l'adore, comme si on le voyait. Et si on le voit pas, c'est comme si Allah il nous voit, comme c'est mentionné dans le hadith. Donc le cheikh il dit, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit al martabatu thalitha al ihsan rukn wahid wa huwa an ta'bud Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Donc le cheikh explique que le troisième degré de l'islam, c'est Al-Ihsan, et c'est un seul pilier, et c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Et si tu n'arrives pas à le voir, alors tu sais que lui il te voit. Et comme j'avais expliqué au dernier cours, je pense que j'en avais mentionné quelque chose, ou bien sinon dans un autre parmi les cours, j'avais expliqué que lorsque quelqu'un il fait un travail, si son patron il est absent, donc toi tu travailles pour quelqu'un dans une compagnie et le patron il est pas présent, alors peut-être que à ce moment-là tu vas travailler, mais tu vas pas travailler à ton maximum. La plupart des gens, quand le patron il est absent, ils vont travailler, mais ils vont mettre moins d'efforts dans leur travail. Donc ensuite il y a l'exemple de quelqu'un qui travaille et qui voit son patron. Son patron, il est présent sur le lieu de travail. Et en plus, le patron, il le voit, il le regarde. Donc toi, tu vois ton patron et ton patron, il te voit. Donc là, tu vas encore travailler beaucoup plus fort. Parce que tu sais que déjà, de un, toi, tu vois sa présence. Et deux, tu sais que lui, il te voit. Donc là, tu vas travailler à ton maximum. Puis, il y a le cas où le patron, il est présent, mais tu le vois pas. Mais lui, il te voit, parce qu'il y a des caméras. Donc lui, il te voit, il est dans son bureau, mais il regarde qu'est-ce qui se passe par la caméra, et il voit ton travail. Donc par rapport au fait que tu es conscient de son regard, ou bien du fait qu'il te surveille, tu vas travailler encore plus fort que si il était absent. D'accord? Donc ça c'est trois exemples, et ça nous aide à comprendre en fait la signification de Al-Ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala, on peut pas le voir dans cette dunya. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que Al-Ihsan, c'est d'adorer Allah, c'est-à-dire tu fais tes actes d'adoration, ta salat, ton jeûne, ta zakat, ton hajj, tous les actes de piété que tu fais, tu le fais pour Allah et tu l'adores comme si tu le voyais. Donc si tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala il te voit, ça tu le sais, parce que ça fait partie de la foi de croire que Allah il voit tout. Donc tu l'adores en étant conscient qu'il te voit, mais en même temps tu l'adores comme si toi-même tu le voyais. Et donc dans ce cas-là, tu vas faire ton acte le plus parfait possible. et tu vas faire tes actes de la meilleure façon possible, hein, pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il soit satisfait de tes adorations. Et si tu n'arrives pas à l'adorer comme si tu le voyais toi-même, mais tu l'adores alors dans ce cas-là comme si lui il te voit, hein, et ça c'est un niveau en dessous par rapport à l'ihsan. Donc ça c'est le sens de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh Ubayd hafizahullah, il explique maintenant ce point-là. Il dit: المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي الإحسان وهو أداء الشيء على أكمل وجه وهو ثلاثة أقسام. Donc le cheikh il dit que l'ihsan c'est le troisième degré parmi les degrés de la religion, et c'est d'appliquer ou de mettre en pratique quelque chose de la meilleure façon possible. Donc c'est l'excellence dans l'adoration, hein, c'est leur perfectionnement dans l'adoration, et c'est divisé en trois catégories. Donc le cheikh il explique ces trois catégories là. Il dit: إحسان على العبد فيما بينه وبين ربه وإحسان على العبد فيما بينه وبين نفسه وإحسان على العبد فيما بينه وبين المخلوقات حتى البهائم. Donc le cheikh il explique ces trois degrés là, ou ces trois catégories là plutôt. La première, c'est le fait de faire preuve d'excellence dans ton adoration, hein, par rapport à la relation que tu as entre toi et ton Seigneur. Et l'excellence dont tu fais preuve, ou dont fait preuve le serviteur dans la relation qu'il a entre lui et son âme, hein, entre lui-même et sa personne. Donc la sincérité et la présence de cœur et l'intention qu'il a en lui-même. Et le troisième degré, ou la troisième catégorie plutôt, c'est les relations que le serviteur a entre lui-même et les autres créatures, même les animaux. Donc de faire preuve de bonté et de faire preuve d'excellence, d'agir de la meilleure façon envers toutes les créatures, même avec les animaux. Et le cheikh il explique et il dit: وَالْإِحْسَانُ فِي الشَّرْعِ كَمَا ذَكَرَ الشَّيْخ وَهُوَ وَارِدٌ فِي حَدِيثِ جِبْرِيلَ الْمَشْهُورِ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. هذا تعريف نبوي من محمد صلى الله عليه وسلم لا مجال لأحد أن يتصرف فيه أو يقول نحفظه أو نعبر عنه بالمعنى أو باللفظ. يعني جملتان: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني لا تخفى عليه منك حركة ولا سكنة. والأدلة عليه من الكتاب والسنة ومن الكتاب الكريم كثيرة. Donc le cheikh il dit, donc à l'ihsan dans la religion, c'est comme le cheikh l'a mentionné, et comme c'est mentionné dans le hadith célèbre qu'on appelle le hadith de Jibril. Ce hadith-là qui est un hadith qui résume les trois degrés de la religion et qu'est-ce que c'est l'islam. Et il dit dans cette définition-là que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, alors lui il te voit. Et il dit, ça c'est une définition du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Hein? Donc personne ne peut essayer de déformer ou jouer avec ce sens-là, ou de le transmettre d'une autre façon, soit par le sens ou autre chose que qu'est-ce qu'il signifie. Et ce sont ces deux phrases: que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, alors lui il te voit. Et donc il n'y a rien qui lui échappe de ce que tu fais, que ce soit un mouvement ou que ce soit n'importe quoi qui sort que tu fais, ou des choses que tu fais, ou des mouvements que tu fais, il en est témoin et il voit, et il n'y a rien qui lui échappe. Et les preuves de cela sont nombreuses dans le Coran et dans la Sunna. Donc le cheikh il mentionne les preuves à ce sujet. Parmi les preuves que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a lui-même mentionné, il dit: وقال المصنف رحمه الله تعالى والدليل قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه الآية تضمنت أولا الأمر بالإحسان بأقسامه الثلاثة التي أسلفنا آنفا، وكيف الأمر هنا الوعد على الإحسان، ماذا وعد الله المحسنين؟ وعدهم أنه معهم. وثانيا إثبات معية الله أو إثبات معية الله سبحانه وتعالى لأهل التقوى والإحسان. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهي المعية الخاصة، ومما تقتضيه الحفظ والتأييد والتثبيت على الحق والتوفيق. Donc le Cheikh il explique que la preuve que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a mentionné, une des preuves qu'il a mentionné à propos de Al-Ihsan, c'est le verset 128 dans Surat Al-Nahl, dans lequel il dit: certes Allah est avec ceux qui se préservent de lui, il se préserve de lui en faisant ce que Allah ordonne et en s'abstenant de ce qu'il a interdit. Donc il se préserve d'Allah et de son châtiment, et il est avec ceux qui sont muhsinoun, c'est-à-dire qui sont bienfaisants, qui font les œuvres d'adoration et les choses qu'ils font pour Allah, ils les font avec excellence et de la meilleure façon. Et le Cheikh explique que ces versets comprennent deux choses. La première chose, c'est l'ordre de faire preuve d'excellence et de faire preuve d'ihsan dans les trois catégories qu'on a mentionnées précédemment. Et ici, il y a également une promesse de la part d'Allah par rapport à l'ihsan, c'est-à-dire qu'est-ce que Allah a promis à ceux qui font preuve d'ihsan ou à preuve d'excellence dans leurs adorations. Il leur a promis qu'il serait avec eux. Allah sera avec ces gens-là, avec ceux-là. Et la deuxième chose qui est impliquée par rapport à ce verset, c'est que on doit affirmer que Allah est avec ses créatures. Et ici, il est avec ses créatures d'une manière qui est plus spécifique, puisqu'il est avec les gens de At-Taqwa, les gens qui se préservent, qui se préservent d'Allah. Et les gens qui font preuve d'excellence et de bonté dans leurs œuvres et dans leurs actions. Donc il est avec ceux qui se préservent, qui se préservent d'Allah, et il est avec ceux qui font preuve de bonté et d'excellence. Donc c'est un accompagnement de la part d'Allah pour ces êtres-là, pour ces personnes-là, d'une façon qui est plus particulière, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec toutes ses créatures par sa science, par son ouïe, par sa vue, le fait qu'il les voit, le fait qu'il est au-dessus de toutes ces créatures et qu'il les regarde et qu'il les voit et qu'il les entend et qu'il sait ce qu'ils font à tout instant. Donc ça, c'est l'accompagnement d'Allah qui est général pour toutes les créatures. Mais il est avec ces créatures qui sont pieuses et qui sont obéissantes et qui sont bienfaisantes et qui font leurs œuvres avec excellence d'une manière plus particulière. Et cette manière d'être avec elles, cette manière, elle implique qu'il les préserve, qu'il les supporte, qu'il les raffermisse sur la vérité et qu'il leur donne le succès. Ensuite, le Cheikh il mentionne le deuxième verset que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné par rapport à Al-Ihsan comme preuve, et il a cité le verset 227 à 220 dans Surat Ash-Shu'ara, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: قال المصنف رحمه الله وقوله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. نعم. Donc ça c'est le deuxième verset que le Cheikh il a cité, qui implique que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous surveille à chaque instant et dans chaque geste et dans chaque adoration qu'on fait, Donc on est toujours sous le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il nous observe à chaque instant, et ce qui implique que nous devons donc faire preuve d'ihsan envers lui dans notre adoration et l'adorer de la meilleure façon à tout moment, et agir avec ihsan envers tout le monde et envers toutes les créatures. Et les versets en question, 217 à 220, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets ce qui signifie: et place ta confiance dans le tout miséricordieux, place ta confiance dans le tout puissant, le tout miséricordieux, qui te voit quand tu te lèves et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. C'est lui vraiment l'audient, l'omniscient. Donc qui te voit quand tu te lèves et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala t'observe même parmi les gens qui prient, même s'il y en a peut-être des centaines de personnes en train de faire la salat dans la mosquée en même temps, eh bien le doua des autres ne le distrait pas du tien, et il t'observe et il t'écoute à tout instant et à tout moment pendant que tu l'adores. Donc le cheikh il dit ma shahidu l'ihsani minha. Le verset ne mentionne même pas la notion d'ihsan de façon littérale ou de façon explicite, mais on comprend l'ihsan par le sens ici. Et le cheikh il explique, il dit ma shahidu l'ihsan minha, يعني الذي يراك حين تقوم الى اخره الى اخره هذا شاهد وقوله فان لم تكن تراه فانه يراك يعني يراك يعني اعبده يعني وتوكل على العزيز الرحيم يعني فيها اولا امر بالتوكل وثانيا إثبات اسمين من أسماء الرب جل وعلا وهما العزيز والرحيم وكل اسم منهما يتضمن صفة له سبحانه وتعالى وثالثا الحث على الإحسان كما قدمناه بأقسامه الثلاثة رابعا فيها حث على صلاة الجماعة في قوله وتقلبك في الساجدين أي مصلين يعني وتخصيص السجود لأنه أشرف أفعال الصلاة. Donc on va commencer par expliquer ces choses-là. Le cheikh il explique qu'est-ce qui est le point qui établit ou qui prouve la notion de al-ihsan dans ce verset qu'on vient de lire. Le cheikh explique, c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit الَّذِي يَرَاكَ حِنَ تَقُومُ, celui qui te voit lorsque tu te lèves pour faire ta salat, il t'observe, il te regarde. Et lorsqu'il dit فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, c'est-à-dire que si tu ne le vois pas, lui il te voit. Donc la notion du fait que Allah subhanahu wa ta'ala il te voit pendant que tu fais ton adoration, ça c'est l'ihsan. Donc tu l'adores et il te regarde, il t'observe l'adorer et il voit ton adoration. Donc tu dois parfaire ton adoration pour lui. Et quand il dit ensuite wa tawakkal 'ala al-'aziz ar-rahim, et met ta confiance en le tout puissant, le tout miséricordieux. Donc dans ces versets-là, premièrement, il y a l'ordre de mettre ta confiance en Allah, de faire preuve de tawakkul. Donc le croyant, il doit mettre sa confiance en Allah. Yani ça fait partie des actions du cœur et ça fait partie des conditions de la foi aussi. Tu dois être avoir confiance en Allah si tu es un croyant. Et il dit وَثَانِيًا, et deuxièmement, le verset comprend deux noms parmi les noms d'Allah, Al-Aziz et Al-Rahim, qui implique deux des attributs parmi les attributs d'Allah, Al-Izza wa-Rahma. Al-Izza c'est la puissance et Ar-Rahma c'est la miséricorde. Donc ça c'est les deux attributs qui sont tirés de ces deux noms-là. Troisièmement, Al-Hathu ala l'Ihsani kama qaddamnahu bi-aqsamihi thalatha. C'est-à-dire le fait que on est incité ici à faire preuve d'Ihsan, faire preuve de perfectionnement dans notre adoration, comme nous l'avons mentionné précédemment, et dans les trois catégories qu'on a mentionnées aussi. C'est-à-dire al-ihsan envers Allah, al-ihsan envers nous-mêmes et à l'ihsan envers toutes les créatures d'Allah. Et le cheikh il explique ensuite le point numéro 4, rabi'an fiha hathun ala salat al-jama'a. Il y a dans ce verset une incitation ou une invitation également à établir la salat en jama'a, en groupe. Et la preuve, c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit wa taqallubaka fi sajidin. Hein? Wa taqallubaka fi sajidin. Et lorsque tu te prosternes parmi les gens qui prient dans la mosquée. Hein? Parmi ceux qui se prosternent. Donc, il dit as-sajidin, c'est-à-dire al-musallin, ceux qui font la salat. Et il a spécifié as-sujud, la prosternation, parce que ça fait partie des positions les plus nobles de la salat et les plus importantes de la salat. Le point numéro 5, innahu huwa as-sami'ul 'alim. Fiha ithbatu as-sam'i wal 'ilmi lillah 'azza wa jal, wa min ismihi as-sami'ul 'alim. وهذا يقتضي مراقبة العبد لله مراقبة العبد لله فإنه يعلم منه أقواله وأعماله ويسمع ذلك ويسمع المسموعات ويرى المبصرات ويعلم المعلومات حتى الوسواس. نعم. Donc le cheikh explique qu'il y a également dans le dernier verset les deux noms qui sont mentionnés, wa huwa as-sami'ul 'alim, innahu huwa as-sami'ul 'alim, il est certes l'audient et l'omniscient, celui qui sait tout. Et le cheikh explique que ça signifie que nous devons donc affirmer lui et la science à Allah subhanahu wa ta'ala, et que ces deux noms là as-sami' et al-'alim implique le fait que Allah surveille son serviteur et que yani il connaît leurs paroles, il entend leurs paroles et il connaît leurs actions, et il entend ce qui est audible, il voit ce qui est visible, et il sait tout ce qui est à savoir, même les suggestions de l'âme et même les soupirs de l'âme. Il dit وقال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. يعني ووجه دلالتها على الإحسان ما تضمنته من رؤية الله عز وجل وعلمه بما يحدثه العباد في كلام الله والخوض فيه. Donc ici il y a un autre verset que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a cité, et qui est un verset qui également mentionne la notion de, ou fait allusion à la notion de Ihsan. Et c'est le verset 61 dans Sourate Yunus. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie tu ne te trouveras dans aucune situation, tu ne réciteras aucun passage du Coran, vous n'accomplirez aucun acte sans que nous soyons témoins au moment où vous l'entreprendrez. Il n'échappe à ton Seigneur ni le poids d'un atome sur la terre ou dans le ciel, ni un poids plus petit ou plus grand qui ne soit déjà inscrit dans un livre évident. Donc ici, on voit clairement que Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe l'acte qu'on est en train de faire, hein, que ce soit la récitation du Coran ou bien n'importe quelle action qu'on fait pour Allah, Il est témoin de ce qu'on fait au moment où on le fait. Et donc, ça veut dire que ça, c'est pour inciter le croyant à faire les actes qu'il fait de la meilleure façon, et avec sincérité, et avec dévotion, et avec humilité, et ainsi de suite. Hein? Et le cheikh, il dit ensuite, وقال المصنف رحمه الله والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Et ça, c'est le hadith qu'on appelle le hadith de Jibril. Et c'est le hadith que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a cité. Le hadith de Jibril, tous les musulmans devraient le mémoriser. Tous les musulmans devraient le mémoriser en arabe et connaître sa signification dans sa langue, s'il n'est pas arabe. Et la raison de ça, c'est parce que ce hadith résume la religion de l'islam en entier et explique qu'est-ce que c'est l'islam. Donc le cheikh, il cite le hadith. Et on va le lire ensemble en arabe, puis après on va le traduire. Tout ce qu'on a expliqué jusqu'à date dans cette partie du deuxième fondement est tiré de ce hadith. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a cité donc ce hadith, le hadith de Jibril. Il dit « وَالدَّلِيلُ مِنَ السُنَّةِ حَدِيثُ جِبْرِيلَ الْمَشْهُورِ عَنْ عُمَرِ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدري من السائل قال الله ورسوله أعلم قال فإنه قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم أو أتى في رواية أتاكم يعلمكم دينكم. Donc on va traduire maintenant la signification de ce hadith. Après on va lire l'explication résumée de Cheikh Ubayd à ce sujet. Il dit que l'auteur, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné ensuite, après avoir mentionné les trois versets, il a mentionné la preuve de la sunna au sujet de Al-Ihsan. Et pour ce faire, il a cité le hadith de Jibril au complet. Il dit que c'est le hadith de Jibril qui est célèbre, rapporté selon Omar ibn al-Khattab, par Al-Bukhari et Muslim. Il dit, et lorsque nous étions assis en présence du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un jour, un homme est venu vers nous, dont les cheveux étaient, il dit, les vêtements étaient extrêmement blancs et les cheveux étaient extrêmement foncés. On ne voyait sur lui aucune trace de voyage et personne d'entre nous ne le connaissait. Jusqu'à ce qu'il s'assoie devant le messager, devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a aligné ses genoux en face des genoux du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il a placé ses mains sur ses deux cuisses, et il a dit: ô Muhammad, informe-moi sur ce qu'est l'islam. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam, c'est que tu témoignes que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, et que tu établisses la salat, et que tu donnes la zakat, et que tu jeûnes le ramadan, et que tu fasses le hajj, à la maison, c'est-à-dire à la Kaaba, si tu en es capable. Il dit, tu as dit vrai. Alors nous fûmes étonnés de voir qu'il posa la question et qu'il lui dit, tu as dit vrai. Et il dit, et il demanda ensuite, et informe-moi au sujet de Al-Iman, c'est-à-dire au sujet de la foi. Et il dit, c'est que tu crois en Allah. Hein, c'est de croire en Allah, et en ses anges, et en ses livres, et en ses messagers. Et de croire au jour dernier, et de croire en la prédestination de bien, de ce qui a été prédestiné de bien ou de mal. Il a dit, tu as dit vrai. Alors il a dit ensuite, informe-moi au sujet de Al-Ihsan. Qu'est-ce que c'est Al-Ihsan? Alors il lui a dit, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, alors lui il te voit. Alors il a dit, et informe-moi au sujet de l'heure. Hein, au sujet de l'heure du jugement dernier. Il a dit, celui qui est questionné n'en sait pas plus que le questionneur. Il a dit, alors informe-moi au sujet de ces signes. Il a dit, c'est que tu vois l'esclave mettre au monde sa maîtresse. Et que tu vois les nu-pieds, hein, les gens nu-pieds et nus, les bergers de moutons, nu-pieds et nus, qui sont pauvres, hein, ils vont se mettre à compétitionner dans la hauteur des bâtiments, se mettre à compétitionner entre eux dans la hauteur des bâtiments. Alors il a posé la question. Alors il a dit, Omar a dit, et l'homme est parti. L'homme est parti, et nous sommes restés comme ça longtemps, et il dit, et ensuite il a dit, oh Omar, est-ce que tu sais qui était cette personne qui posait les questions? Et Omar a dit, Allah et son messager, c'est mieux. Il a dit, c'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Donc cet homme qui était venu, c'était en fait l'ange Gabriel, qui a pris une forme humaine et qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba pour leur enseigner l'islam. Alors le cheikh, il explique, cheikh Ubayd, hafidhahullah, il explique ici un résumé de l'explication de ce hadith. Il dit, هذا الحديث دلالته على مراتب الدين الثلاث واضحة وذلكم في تضمنه كل مرتبة مفصلة يعني بتعريفها وأركانها والحديث يحتاج إلى جلسات حتى يستنبط ما يحويه من الفقه في الدين ولكن لضيق الوقت نستنبط بعضا من أحكامه. Le cheikh dit, ce hadith, hein, il prouve clairement les trois degrés de la religion. Et yani, tout ça, c'est dans le sens qu'il comprend l'explication de chaque degré de la religion de façon détaillée avec les définitions et les piliers. Il dit, le hadith, pour qu'on l'explique comme il faut et pour qu'on extrait de ce hadith toutes les règles de la religion comme il faut, ça prendrait plusieurs assises. Et étant donné que le temps est limité, on va uniquement mentionner certaines des règles qu'on peut tirer de ce hadith. Et là, le cheikh, il a mentionné quatre règles ou quatre points de ce hadith là. Il a dit, nastati'u nastati'u بعرف اليوم أن نقول أدب السائل مع المسؤول ومنه أدب الطالب مع المعلم. Donc il dit, parmi les choses qu'on peut mentionner, on peut dire, comme dans le langage actuel ou dans la coutume actuelle, le comportement du questionneur avec celui qu'il questionne. Et également, on peut tirer de ça les manières à adopter de l'élève envers son professeur. Comment Jibril alayhi salam s'est comporté envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il lui a posé les questions, comment il s'est présenté, comment il s'est assis devant lui, comment il a posé les questions, et ainsi de suite. Il dit, deuxièmement, inna hadhihi al-maratib al-thalath hiya maratib al-din wa min al-din al-isti'dad lil-yawm al-akhir wa min ayna thalikum min su'ali Jibril alayhi salam li Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mata as-sa'a. Il dit, les trois degrés de la religion, donc les trois degrés qui sont mentionnés, c'est les trois degrés de la religion. Et parmi les choses qui font partie de la religion, le fait de se préparer pour le jour dernier. Et de où est-ce qu'on peut tirer cela dans ce hadith? C'est de la question de Jibril lorsqu'il pose la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand est-ce que sera l'heure du jugement dernier. Donc on peut tirer de ça qu'il faut se préparer pour le jour dernier. Le troisième point, التدرج في التعليم وما يسمى اليوم بالمنهجية في التعليم فإن المربي الناجح الحاذق البصير هو الذي يعلم الناس صغار المسائل قبل كبارها. Donc on peut également tirer de ce hadith le fait d'avancer de façon graduelle dans l'enseignement. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la méthodologie dans l'enseignement. De faire preuve de méthodologie ou bien de pédagogie, si on veut. Dans le sens que l'éducateur qui réussit et qui est intelligent et qui comprend bien l'éducation, il va commencer par apprendre à ses élèves les choses les plus simples en premier, avant de rentrer dans les plus compliqués. Et il dit comme cinquième point, وجوب تعلم هذه الأصول فإنه اشتمل على أربعة أصول مراتب الدين الثلاث وعلامات الساعة وعلامات الساعة يكفي منها ما تيسر والمقصود استعداد العبد لهذه الساعة التي هي القيامة فإذا نظرت في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وجدت تفصيلا لهذه المراتب الثلاث فإنه من حين بعثه الله حتى توفاه وهو يعلم الناس هذه المراتب إجمالا وتفصيلا. Donc le cheikh il dit, l'obligation d'apprendre ses fondements. Et il dit que cela comprend quatre fondements. Les quatre fondements en question, c'est premièrement les trois degrés de la religion. Donc ça, c'est le premier fondement. Le deuxième, c'est les signes de l'heure. Deuxième fondement. Et troisième fondement, donc c'est ça. Et il dit, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné comme signe de l'heure? Yani, tu en apprends, c'est suffisant d'en apprendre ce qui est possible ou ce qui est facile pour toi. Et l'objectif de ça, c'est de se préparer pour ce qu'il y a, yani, pour l'heure du jugement dernier. Hein? Et ça, c'est le quatrième fondement. Yani, probablement, c'est ce qu'il veut dire par le quatrième fondement, c'est qu'est-ce qui se passe après. C'est-à-dire, après l'heure du jugement dernier, c'est-à-dire la résurrection. Donc ça fait 1, 2, non ça fait 3, la résurrection. Donc c'est ça, il a expliqué ces fondements-là en détail. Mais le cheikh il dit quatre fondements, mais moi j'ai pas vu les quatre qu'il a mentionnés. C'est comme si j'en ai compté seulement trois. Donc je ne sais pas le quatrième, à quel, lequel, de quel fondement il parle comme quatrième. Allahu a'lam. Ici je vais vérifier ça. Peut-être qu'il s'est trompé ici, ou peut-être qu'il y a eu une erreur dans l'impression ou quoi. Hein? Oui, il les a mentionnés, ça, quand il a dit les trois degrés de la religion. Donc ça c'est dans le premier, ça c'est le premier, Maratib al-Din, Alamat al-Sa'a, Alamat al-Sa'a yakfi minha ma tayassar, wal maqsoud isti'dad al-abd li hadhihi al-Sa'a. Donc la préparation du serviteur pour cette heure-là. Il dit, فَإِذَا نَظَرْتَ لِسَلَةَ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ وَجَدْتَ تَفْصِيلًا لِهَذِهِ الْمَرَاتِبِ الثَّلَاثِ فَإِنَّهُ حِينَ بَعَثَهُ اللَّهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ وَهُوَ يُعَلِّمُ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ إِجْمَالًا وَتَفْصِيلًا. Donc il dit que les trois degrés de la religion, tu vois que lorsque tu regardes le message du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, eh bien tu constates que il a enseigné ces trois degrés-là en détail. À partir du moment que Allah l'a envoyé dans cette mission de transmettre cette religion jusqu'à sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours enseigné ces trois degrés aux hommes, de façon générale ou de façon détaillée. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On a terminé Al-Asl al-Thani. On va donc rentrer au prochain cours au troisième fondement, parmi les trois fondements, et c'est yani, la connaissance de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est-il, et donc on va apprendre quelque chose à propos de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de sa mission, et c'est le dernier fondement parmi les trois fondements qui sont mentionnés dans le livre. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.